te sens seul, car tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé, t'as personne à tes côtés. Si t'es encore seul, dis-toi que c'est pas un hasard. Le bon Dieu est avec toi, il t'évite des histoires. Voir une femme à tes côtés le soir et le matin quand tu te lèves, ça peut être un bonheur parfait, voir le plus beau de tes rêves. Mais ça se passe pas toujours comme ça, des fois c'est dispute tous les soirs. Et le plus joli de tes rêves devient vite ton pire cauchemar. Alors vaut mieux pour toi que t'acceptes ta situation. Commence pas à faire n'importe quoi et à te mettre la pression. Et écoute pas ceux qui te diront que tu commences à te faire vieux. Car qui vit à la recherche d'une femme vit triste et malheureux. Alors quand tu sors dehors, contrôle-moi tous ces regards. À la chercher tu aurais tort, car t'es pas en retard. Mais t'inquiète pas si le bon Dieu a réservé une femme pour toi. Que ça soit d'autre côté du monde ou en bas de chez toi, tu l'acheteras. Si mon Dieu, si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie. Si mon Dieu, si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Si mon Dieu, si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie. Si mon Dieu, si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Maintenant je m'adresse à toi qui a trouvé la femme qui te convient. Peut-être que tu le réalises pas, mais crois-moi que c'est pas rien. Y'en a qui consacrent toute leur vie à chercher mais ils trouvent rien. En fait ils ont pas compris qu'agir comme ça, ça sert à rien. Alors si toi tu l'as trouvé, c'est une bénédiction pour toi. Va falloir t'en occuper, faut l'aimer tant que tu pourras. Ne laisse jamais qu'une journée passe sans la prendre dans tes bras. Rends-la heureuse quoi qu'il se passe, dis juste ce qu'elle représente pour toi. Elle a besoin de toi et t'as besoin d'elle. Faut être honnête, jamais rien vous cacher, vous aurez une vie plus belle. Car les mensonges et les secrets, ça peut vous éloigner. Et après viennent les regrets et vous vous séparez. Et me dis pas que t'as besoin pour décompresser d'une soirée entre copains sans elle à tes côtés. T'as pas envie d'être avec elle tout le temps pendant la journée. C'est que ton problème il est grand, va falloir te questionner. N'attends pas son anniversaire jamais pour lui faire des cadeaux. Les fêtes surprises, il peut lui plaire. Il est beaucoup plus beau, fait les choses bien habile à de blanc. Et pas qu'à la mairie, que le jour où elle se marie soit le plus beau jour. Je te remercie mon Dieu si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie mon Dieu si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Je te remercie mon Dieu si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie mon Dieu si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Je me mets à la place de ceux qui ont eu le cœur brisé, qui avaient une relation mais qui maintenant est terminée. Ceux qui pensent qu'ils seront plus heureux, que leur vie s'est arrêtée. C'est comme si une partie d'eux s'était envolée. Mais si ta femme elle ne t'aime plus, à quoi ça sert de la retenir? Tout ce que tu fais c'est la punir, et quel serait votre avenir? Des disputes à longueur de journée et plus aucun sourire. Tu vois pas que c'est insensé, vaut mieux la laisser partir. Et si t'as peur pour ton avenir, et si t'as peur de rester seul, c'est que t'as pas confiance en toi, tu vas jamais t'en sortir. C'est quoi, c'est que t'es un moins que rien, on t'a laissé et t'es plus rien. Ressaisis-toi, reprends ton chemin, relève-toi vite et sois quelqu'un. Et pense à tous ceux qui n'ont jamais eu de femme et qui vivent une belle vie, qui n'en font pas un drame. Sache-moi ces larmes, ton mode de vie, c'est toi qui le choisis. C'est à toi de voir si tu survis ou si tu t'en fous. Je te remercie mon Dieu si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie mon Dieu si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Je te remercie mon Dieu si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie mon Dieu si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Une relation de couple, c'est pas tout dans la vie. Avec une femme, tu peux vivre le plus beau de tes rêves, aussi vivre le pire de tes cauchemars. Combien y'en a qu'on finit dans des bars? À chercher, tu vas tomber sur celle qu'il faut pas. Et après tu vas pleurer. T'inquiète pas que si tu dois trouver quelqu'un, tu trouveras. Bon Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bien pour toi. Toi, tu sais pas. Et si toi t'as perdu une femme, t'inquiète pas non plus, c'est qu'elle était pas pour toi. Si elle t'aime pas, il vaut mieux qu'elle s'en aille. Toi, continue ton chemin et relève la tête. Le bonheur, il dépend pas d'une femme, il dépend de toi. Il y en a beaucoup qui sont seuls et qui restent seuls toute leur vie. Et ils vivent heureux quand même. Je te remercie mon Dieu si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie mon Dieu si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes. Je te remercie mon Dieu si tu me donnes une femme, je serai très heureux, je lui donnerai tout et je lui prouverai que je remercie mon Dieu si tu me donnes pas de femme, je serai très heureux, car j'ai conscience que tu m'évites tes problèmes.